Alors, comment est-ce que tu as trouvé le film ? Pas mal. Je m'attendais à autre chose, mais j'ai bien aimé. Et toi ? Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable.